Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Allez, on se réveille. Bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 30 mars 2016. Un autre jour est possible, votre réveil culturel, avec des femmes fondues au noir et Marseille comme lieu de tous les crimes, tous les trafics. C'est le programme d'aujourd'hui. Dans un instant, la spécialiste des polars, Hélène Amalric, pour le 3e épisode de notre série sur les polars, écrit par des femmes. Une série qui nous accompagne jusqu'à l'ouverture du festival Quai du Polar à Lyon. Et en deuxième partie, deux invités, Michel Sonson et Philippe Pujol pour un spécial Marseille. Avec tout d'abord un documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma, Marseille entre deux tours. Le co-réalisateur Michel Sonson est avec nous. Et un livre, une enquête, une immersion de 10 ans dans les quartiers nord de la ville et de la cité phocéenne. Ça s'appelle La Fabrique du Monstre. Et je serai donc avec l'auteur Philippe Pujol en duplex d'Aix. Un livre que je vous recommande, une enquête très, très intéressante aux éditions Les Arènes. Mais pour commencer... Et pour commencer, des femmes fondues au noir. Hélène Amalric, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour. Et c'est le 3e épisode de notre série. 3e épisode, évolution des codes... et libération du genre. Alors, avec l'intitulé de cet épisode, on voit que les femmes vont se mettre à changer l'écriture même des polars ou à imposer une autre écriture des polars. Je sais pas, peut-être que vous allez préférer la seconde expression. Je dirais que ça n'est pas l'écriture qu'elles vont changer, ce sont les thèmes. Parce que ça, on pourra aussi en parler. Je ne crois pas qu'il y ait une écriture féminine de polar ou autre d'ailleurs. En revanche, les femmes parlent d'autres choses que les hommes, forcément, entre guillemets. Et effectivement, ce qui va se passer dans cette fin des années 70, début des années 80, et puis c'est vraiment la décennie 85-95 qui va voir changer tout ça. L'évolution, elle est que les thèmes et les personnages changent. Suivant deux axes, les personnages changent parce que les métiers changent. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des femmes flics. Alors c'était pas parce que la Lady Molly de Scotland Yard de 1910, c'était une sorte de Sherlock Holmes en jupon, c'était pas un flic, c'était pas une femme qui est dans la police et qui est une des premières à avoir écrit, parce qu'elle-même avait été flic pendant une quinzaine d'années, c'est Dorothy Hunak dans les années 60 qui crée un personnage de femme, Christy O'Para, qui est flic. C'est qui n'a rien à voir avec Miss Marple d'ailleurs. Qui n'a pas grand-chose à voir avec Miss Marple. Elle se situe plutôt du côté d'Anne McBain que de Miss Marple. Des femmes. On parlait dans l'émission précédente du privé, du détective privé. Pendant très longtemps, on a eu des femmes enquêtrices, mais on n'avait pas de femmes privées pour la bonne raison qu'elles étaient toujours dans ce cercle domestique, qu'elles ne pouvaient pas en sortir, c'était complètement antinomique avec le personnage du privé. Et dans les années 80, d'un seul coup, on a des femmes auteurs de polar qui créent des personnages de détectives privés. On a Sue Grafton. On a Sarah Paretsky avec V.I. Warshawski. Et ces personnages-là, en fait, on va passer de la femme passive à la femme active. Il y a aussi le phénomène de l'action, de l'énergie, de l'action. Et ces privées et ES, féminines, elles sont dans l'action, c'est-à-dire qu'elles sortent et elles investissent la rue, comme les femmes flics, la rue... La politique, elle s'empare des mêmes thèmes que le hard-boiled, c'est-à-dire la corruption, les scandales financiers, politiques, écologiques. La vraie différence, c'est qu'elles ne sont plus héroïnes des polars parce qu'elles sont victimes ou bien malgré elles, mais cette fois-ci, c'est parce qu'elles sont actives, elles sont flics, elles sont détectives, elles vont vers des affaires criminelles pour les élucider. Exactement. Et ça, bien sûr, Hélène Amalric, vous allez dire, c'est l'acquis des combats des femmes et des premières retombées des militantisme féministe. C'est ça. Oui, tout à fait. Quand on voit toutes les femmes qu'on voit, auteurs qu'on voit apparaître à ce moment-là, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas nécessairement toutes le même âge. Si vous prenez les Françaises, on en parlera plus tard, mais vous prenez trois auteurs qui sont apparus, mais vraiment quasiment en même temps. Maud Tabachnik, Andrea Djap et Vargas. Elles n'ont pas le même âge, mais les acquis, elles sont arrivées à maturation, je dirais, sur la question de la femme dans la place, dans la société, quasiment au même moment. C'est vraiment très intéressant. Vous avez dans les métiers, Andrea Djap crée, Cornwell crée, Patricia Cornwell crée Caspar Carpeta, médecin légiste. Quel personnage d'ailleurs. Andrea Djap crée Gloria Parker Simmons, qui est une profileuse mathématicienne en 96. Le personnage dont j'ai oublié le nom, de Maud Tabachnik, apparaît aussi en 96. Vous avez aussi un auteur comme Brigitte Aubert, sous Grafton, Paretsky, tous ces auteurs-là. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de cristallisation de ce qu'elles ont vécu qui va se déverser dans le polar. Est-ce que les combats féministes accompagnent les aventures de ces nouvelles héroïnes de polar, qu'elles soient flics, médecins légistes, enquêtrices Pas toutes, pas nécessairement. Elles sont, je dirais que c'est quasiment, c'est presque leur présence qui en est, leur présence et leurs histoires qui sont en elles-mêmes féministes. Vous prenez un auteur comme Patricia Cornwell, donc qui crée en 91, si je me souviens bien, le personnage de Cass Carpeta. Cass Carpeta est médecin légiste en Virginie. C'est un personnage extrêmement nouveau. Ça n'existait pas. Moi, je me souviens encore, je veux dire, de ma réaction à lire Post-Mortem quand je l'ai reçu, et me dire personne n'avait encore jamais écrit ça. Et elle m'a raconté quand elle est venue en France après la publication de Post-Mortem, que dans les librairies de Richmond, sa ville, la ville où elle vivait en Virginie, on refusait de vendre Post-Mortem parce que une femme médecin légiste, non, ça n'était pas possible. On ne peut pas dire que Cass Carpeta soit féministe au sens où elle a un discours, mais ses actes et ce qu'elle fait sont féministes. Et qu'est-ce qu'elles font, ces personnages, dans ces romans? Est-ce qu'elles mènent la vie moderne, c'est-à-dire post-combat féministe, ou est-ce qu'elles sont entre les deux? Elles peuvent être entre les deux. Là aussi, on a une myriade d'aventures, d'exemples. Vous avez, je parlais d'Andrea Djap tout à l'heure, elle écrit en 96 « La femelle de l'espèce ». Qui est l'extrait du poème de Kipling, qui est un roman qui est considéré vraiment comme un roman emblématique, justement, dans l'histoire du polar et du polar français. C'est justement l'histoire d'une femme tout à fait qui est mariée à un garagiste, ça se passe aux États-Unis, mais dont la fille va être enlevée, mais qui mène la vie d'une femme du milieu italo-américain, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui ne s'est jamais véritablement posé de questions sur son statut, dont la fille va être enlevée, l'adolescente, sa fille a 14 ans. Et en fait, il ne se passe rien, ni la police, ni son mari ne font quelque chose. Et c'est elle qui va prendre les choses en main et qui va mener l'enquête. Donc vous avez là l'exemple d'une femme qui va sortir, qui ne va pas être sortie sorti par la force des choses, bien sûr, puisque sa fille a été enlevée. Mais c'est elle qui va prendre le cours de sa vie en main. Bon, par ailleurs, en même temps, vous avez aussi des femmes, encore une fois, des femmes flics qui sont... On a un peu de tout. Quand Virginie Despentes impose une enquêtrice lesbienne dans les années 2000, et ça passe tout à fait inaperçu, le terrain est déjà balisé du côté du genre. Il est balisé depuis longtemps, entre guillemets, c'est-à-dire depuis une petite vingtaine d'années, oui. Les détectives lesbiennes, c'est aussi un acquis du genre. On a commencé à voir arriver. Il est très symptomatique, par exemple, que Patricia Highsmith, dont on savait très bien qu'elle était homosexuelle. L'existence de Carol, son premier roman, on ne l'a appris que bien plus tard. Mais son personnage emblématique, c'est Ripley, c'est Monsieur Ripley, c'est un homme. Patricia Highsmith avait des problèmes avec l'humanité d'une façon générale et une conception des hommes et des femmes assez à part. Mais les détectives homosexuelles, d'ailleurs, hommes ou femmes, mais lesbiennes, sont arrivées aussi en même temps dans ces années-là. Val McDermid a créé, avant de créer son couple de flics, Carol Jordan et profileur Tony Hill, a écrit toute une série avec une détective qui était une journaliste qui était lesbienne. Elles se sont emparées de tout. Merci Hélène Amalric. On se retrouve demain pour la suite de notre série des femmes fondues au noir. Pour rattraper cet épisode ainsi que les deux précédents, une seule adresse, franceculture.fr, et tout est à votre disposition, podcast ou écoute en ligne à la page de l'émission Un autre jour est possible. À demain. À demain. Well, I'll try to go over and see him. Maybe he... All right. Thanks. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Direction Marseille ce matin, avec nos deux invités, deux journalistes, Philippe Pujol et Michel Sanson. Le premier publie aux éditions Les Arènes La Fabrique du Monstre, 10 ans d'immersion dans les ghettos oubliés de la cité phocéenne, les quartiers nord de Marseille, mais pas seulement. Et le second a co-réalisé avec son comparse Jean-Louis Comolli un documentaire sur les acteurs culturels de la deuxième ville de France. Marseille entre deux tours, tel est le titre du film qui sort aujourd'hui au cinéma. Le 9e consacré à la vie politique marseillaise, réalisé par le duo Michel Sanson et Jean-Louis Comolli, depuis la mort de Gaston Defferre. Bonjour Michel Sanson. Bonjour. Et de Dex, en duplex, nous avons Philippe Pujol. Bonjour. Bonjour. Alors, parlons d'abord du film. Dans votre dernier film, contrairement d'ailleurs au précédent, les politiques restent hors champ. C'est plutôt... le tissu associatif, les hommes et les femmes de la culture que vous avez privilégiés. Pourquoi ? Parce que ça faisait 25 ans que nous filmons avec Jean-Louis Comolli, depuis 25 ans vrai, et nous nous sommes dit que peut-être on en avait assez. Mais en fait, on avait envie de montrer que cette ville a beaucoup plus changé qu'on ne croit. Donc on a changé de personnage et on a changé de lieu. Et c'est un choix délibéré, mais nous avons quand même gardé deux acteurs politiques dont... Patrick Menucci, que nous filmions il y a 25 ans, quand il était un adjoint de Michel Peset, pour garder une trace. Parce que Marseille, entre deux tours, nous avons filmé entre les deux tours des élections municipales de 14. Et comme nous sommes arrivés là, nous sommes dit, peut-être qu'on a fait le tour, nous, de M. Godin, M. Tapie, M. Menucci. Et si on allait faire parler d'autres gens de cette ville qui a changé? C'est ça que nous avons voulu faire dans ce film. Et c'est assez synchrone quand même avec les gens que vous interviewez qui eux-mêmes se désintéressent du jeu politique marseillais. Eh bien, je crois que c'est pas un hasard du cinéma documentaire. Au fond, ce que nous avons fait, nous avons filmé ailleurs. Mais il se trouve que les électeurs à Marseille et en France en 2014 sont allés ailleurs. Ils se sont abstenus massivement. Et en fait, en allant filmer ailleurs, nous avons suivi... sans faire tout à fait exprès ce qui se passait dans l'électorat, et non seulement, je répète, marseillais, mais tout l'électorat, et en particulier de gauche, s'est abstenu, ce qui explique la grande victoire à Marseille de M. Godin et la montée permanente depuis 25 ans aussi du Front National. Alors, vous filmez aussi Marseille, ses rues, ses escaliers, ses ports, ses marchés, et plutôt que les politiques, la société civile. Peut-être que parce que vous vouliez avoir un film qui raconte aussi bien la mémoire de Marseille et comment les Marseillais se projettent dans le futur. Probablement. Parce que quand on filme, par exemple, le Mucem, ou on filme Julien Blaine, M. Poitevin, qui est le poète Julien Blaine, sur le Mucem, nous montrons aussi que le port de Marseille, maintenant, il y a un musée. Quand j'ai commencé, je suis vieux, mais quand même pas trop, il y avait des bateaux, là. Maintenant, il n'y a plus de bateaux à Marseille. Ils sont à Fos-sur-Mer ou ils sont ailleurs. C'est d'ailleurs une métamorphose que tous les grands ports du monde connaissent. À Liverpool, il n'y a plus de bateaux, il y a un musée. À Gênes, c'est pareil. Et à Marseille, maintenant, il y a un musée. Donc, en montrant cette ville ayant changé, on montre aussi comment les acteurs politiques qui n'ont pas changé, eux, de discours, sont un peu à côté de leur pompe, ou plutôt à côté de leur ville. Ce qui s'y passe, ils n'y peuvent pas grand-chose. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Alors, vous avez cité le poète Julien Blaine, on peut parler aussi du compositeur Pierre Sauvageau, mais d'une manière générale, comment vous avez fait votre casting? On a fait le casting en choisissant des gens dont on savait qu'ils avaient envie de parler de la ville, qui s'intéressaient à la politique, mais pas à la manœuvre politique, ni au jeu politique électoral, mais qui pouvaient nous dire quelque chose de la ville. Vous parlez de Sauvageau, où l'a-t-on filmé? Sur les escaliers de la gare Saint-Charles. Et pourquoi? Parce que ce grand artiste de rue avait monté un spectacle en 2013, quand Marseille était capitale de la culture, sur les escaliers de la gare. Nous avons filmé Julie Demuère sur un des plus anciens sites celtiques de Marseille, qui domine Marseille, parce que il y a une trace là de ce que fut les Marseillais il y a 2500 ans. Et donc nous sommes allés chercher ces traces et des gens qui réfléchissent sur ces traces ou ces changements. Et c'est pas des acteurs culturels forcément reconnus. Julie Demuère est une marcheuse de la ville, mais elle en parle en portant en quelque sorte toute l'histoire de cette ville alors que c'est une jeune femme. Mais alors, on est quand même un peu désarçonné en voyant votre film, hein, Marseille entre deux tours, parce que pour nous, le duo Michel Sanson et Jean-Louis Comolli, ce sont deux Marseillais qui suivent la gauche marseillaise depuis la mort de Gaston Defferre. Absolument. Est-ce qu'on peut conclure que si vous-même vous vous détournez des hommes politiques, c'est qu'il n'y a plus rien à attendre des politiciens marseillais? Peut-être. Et je dirais... Ce qui est terrible comme constat, non? Oui, c'est un constat terrible, mais je ne dirais pas qu'il n'y a plus rien à attendre des politiciens marseillais, dont je pense qu'ils n'ont rien de particulier par rapport aux politiciens politiques nationaux. Je reprends ce que je disais, l'abstention de gauche qui a coûté cher à la gauche à Marseille est exactement la même que ce qui a coûté cher à tout le Parti Socialiste en France en 2014. Et donc sauf que là, le Front National a failli décrocher la région, hein, dernièrement avec les... Non, il les régionales. Attendez. On est bien d'accord, mais pourquoi? Parce que l'abstention de gauche est massive. C'est pas parce que la droite augmente, ni le Front National. Vous savez, le Front National, je me souviens, j'ai fait un article sur le Front National dans les quartiers nord à Marseille, vous savez quand? En 86. Et donc, il a mis 30 ans pour gagner une mairie de secteur. Ça me fait triste, je déteste ça. Mais ce que je veux dire, c'est que cette désaffection que vous avez vue dans notre film, effectivement, traduit une désaffection politique plus générale, à mon avis, qui n'est pas seulement marseillaise. Journaliste à la Marseillaise, Philippe Pujol est avec nous, en duplex, à partir d'Aix. Bonjour Philippe Pujol. Je rappelle que vous avez décroché le prix Albert Londres pour votre série Quartier Shit, paru en 2013. Et là, dans votre ouvrage qui vient de sortir, vous dressez un tableau sombre des quartiers populaires de Marseille. Le titre de cet ouvrage édité par Les Arènes, c'est « La fabrique du monstre ». Ce qui ressort de votre enquête, c'est cette chaîne infernale où les pauvres exploitent les plus pauvres, qui eux-mêmes exploitent les plus précaires. Mais s'il fallait partir du titre de votre ouvrage, c'est qui le monstre ? Alors pour moi, le monstre, c'est la République malade. Ce ne sont pas les quartiers nord, ce n'est pas la misère, ce n'est pas le Front National. Tout ça, ce sont des résultats, des symptômes du monstre. Le monstre, c'est cette démocratie qui fonctionne mal. C'est un peu ce que décrit Michel avec Jean-Louis dans leur film. C'est un petit peu ce désintérêt qui fait que, pendant qu'on se désintéresse du jeu politique, ben, le jeu politique continue, lui, et continue ses dégâts. S'il n'arrive pas à améliorer les choses, il arrive à les détériorer encore. Et Marseille, certes, n'est pas différent d'ailleurs, c'est juste pire à Marseille. C'est-à-dire qu'on trouve compilé sur Marseille l'intégralité de ce qu'on peut trouver éparpillé à travers la France. Et en fait, donc ici, le monstre, cette République malade, est particulièrement facile à observer. En tout cas, c'est un objet d'observation qui intéresse beaucoup les sociologues, beaucoup les journalistes et énormément les politiques. C'est toujours une ville qui attire, quoi. Alors, vous écrivez « Marseille est dévorée par une corruption vorace ». Telle une plante carnivore de surcroît, elle pénètre les conseils d'administration, d'innombrables satellites des institutions, dont les élus s'arrangent entre eux pour que rien ne change. Oui, il faut beaucoup d'énergie pour que rien ne change. C'est-à-dire que ces vieux systèmes qui datent des années 30, c'est-à-dire à l'époque de Simon Sabiani, qui ont été ensuite un petit peu industrialisés sous Defferre et puis qui ont été ensuite totalement assumés sous l'ère Godin, ces vieux systèmes-là n'ont d'intérêt que s'ils perdurent. Et même quand ils s'usent, ce qui est le cas, il y a énormément de conflits d'intérêts qui permettent le maintien de ces systèmes. Donc des systèmes clientélistes qui sont divers et variés et qui en plus se concurrencent les uns les autres. Donc c'est en ça que la bataille politique ici ne se fait absolument pas sur des idées, au niveau national non plus, mais ici c'est pire, et elle se fait sur des guerres de clientélisme. On a chacun notre clientèle et on a chacun nos cadeaux à donner à telle ou telle clientèle. Et la clientèle, c'est pas les hommes politiques, c'est aussi les acteurs économiques. Et d'ailleurs, vous racontez des histoires incroyables. Vous l'avez sans doute lu, l'enquête de Philippe Pujol, comment on peut utiliser les pauvres. Par exemple, cette histoire, je vais raconter qu'une seule histoire. On utilise les pauvres des quartiers nord pour ramasser des cafards, lesquels cafards on va les déverser dans des appartements pour obliger les gens à vendre leurs appartements à un fonds de pension américain. Et encore, vous dites, Philippe Pujol, que même cette histoire de réhabiliter l'avenue de la République, ça n'a pas marché. Non, en plus, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rue de la République est, pour le bas, non, à peu près réhabilitée. Elle fonctionne, allez, on va dire, relativement bien, relativement mal, comme on veut. Mais sur le haut de la République, là où s'est passé l'événement que vous venez de raconter, là, la réhabilitation a totalement foiré parce que l'organisme qui en bout de chaîne travaillait à cette réorganisation, à cette réhabilitation, était Lone Star, un fonds de pension américain qui a coulé au moment de la crise des subprimes. Et ce qui est intéressant, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'en 2007, j'étais tombé sur cette collecte de cafards dans la cité, une des cités les plus dégradées de Marseille, sans jamais savoir pourquoi ils ramassaient les cafards, parce qu'évidemment ils n'en savaient rien eux-mêmes. Tout ce qu'ils savaient, c'est que on les payait pour ça. Et j'ai eu la chance, on va dire, chance journalistique en tout cas, d'avoir un flic plus tard qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Donc j'ai eu les deux bouts de chaîne et j'ai pu savoir au milieu que des petits bandits avaient fait les intermédiaires. En fait, l'idée était de virer des gens. Partir en justice était trop long, donc on a fait ça avec des cafards. Ça se fait d'autres fois avec les rats. Ça, c'est des histoires qu'on m'avait déjà racontées, mais j'étais jamais tombé. Là, c'est totalement le hasard et la chance du journaliste. J'étais jamais tombé sur la collecte, parce qu'on n'y pense pas. Mais pour qu'il y ait des cafards quelque part, pour qu'il y ait des rats qui soient mis, il faut bien que quelqu'un les ramasse. Il faut bien trouver un moyen de les faire ramasser. Donc on exploite toujours la misère inférieure. Et plus violent, c'est... Oui, alors, puisqu'on parle de l'économie, de ce quart-monde de l'Europe, c'est ainsi que vous décrivez Marseille dans La Fabrique du Monstre, Philippe Pujol, pour parler d'un autre trafic économique, c'est le marché de la drogue qui structure toute la vie des quartiers. Du shit coupé avec de l'huile de vidange, avec des médicaments pour animaux. Donc vous nous expliquez tout ça puisque vous êtes resté avec eux, 10 ans avec eux. Et 10 ans, c'est ce qu'on dit parce que ça fait 10 ans que je suis journaliste, mais ça fait bien plus longtemps que je connais ces gens-là. J'ai déjà pas mal écrit sur eux. J'ai déjà un précédent livre qui a été édité d'ailleurs avec un des personnages qui est dans le film de Michel Sanson, qui est Baptiste Lanespèce, qui édite mon premier livre, qui s'appelle French Connection, qui est sur les trafics. Et en effet, ces trafics sont devenus un pilier de la politique de la ville de ces quartiers-là. C'est-à-dire qu'on est d'accord, c'est ce qui soutient pas mal de familles. Quand dans une cité comme la Castellane, par exemple, on fait une opération globale, comme ça a été le cas en 2013, pendant un mois, on sature la cité et donc le trafic ne se fait plus. Le mois d'après, on a 40% d'impayés dans les loyers. Donc voilà à quoi principalement sert l'argent. Ensuite, les cités les plus éloignées des bons consommateurs, c'est-à-dire ceux qui ont des sous, sont des cités qui sont obligées, pour faire des marges, de couper, c'est-à-dire rajouter un produit au produit déjà vendu, et donc de couper toujours plus le produit, et on le coupe avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire avec ce qu'il y a de pire, tout ce que vous avez décrit. Et donc, on a, pour les cités les plus lointaines, par exemple, je parle de la cité Calisté, qui est la cité la plus pauvre d'Europe, on a un réseau qui vend un shit où il y a pratiquement plus de shit dedans, et ils vendent ça à quelques toxicos du quartier, pas cher, mais en fait, ils fument du goudron, ils fument de l'huile de vidange, mais ils fument pas beaucoup de shit en plus. Alors, vous racontez aussi, donc, le Marseille politique, hein, contrairement à Michel Sanson, vous vous intéressez encore aux hommes politiques, vous consacrez d'ailleurs une bonne partie de cet ouvrage, Philippe Pujol, pour raconter Godin, c'est qui le maire de Marseille, et puis vous arrivez quand même à la même conclusion, c'est-à-dire que les gens se détournent des politiques et même du tissu militant associatif lui-même dépendant des politiques, que ce soit la droite, la gauche ou même le Front National, vous dites, le fonctionnement du Front National ne diffère en rien, quoi qu'en dise Marine Le Pen, de celui des autres partis du système. Clientélisme et réseau en tout genre pour seul programme politique. Est-ce à dire qu'on ne peut plus rien faire pour Marseille et pour les Marseillais, Philippe Pujol ? Non, la solution, elle est dans le film de Michel et de Jean-Louis. La solution, elle est dans cette société civile dynamique qui a envie de montrer que la ville a des énergies. La solution, elle est dans un retour au culturel. Et on a à Marseille un bouillon de culture underground qui est extrêmement bon, qui s'est un petit peu montré en 2013 et encore pas assez. Et on a énormément d'envie d'en sortir. Et on sent aussi que tous ces clientélismes-là sont usés. Et en plus, on a un Godin qui est totalement en fin de règne. Et donc, quand il va arrêter, j'espère qu'il arrêtera, quand il va arrêter, on va se retrouver dans une situation similaire de celle de la mort de Defer, une situation de chaos où à droite ça va s'entretuer, à gauche ça va, je sais pas trop ce qu'il va faire à gauche, puisqu'il y a plus grand chose à gauche. Qu'il soit mort, donc, il va peut-être y avoir une place. Ouais. Il va peut-être y avoir une place pour la société civile, un petit peu comme c'est arrivé en 86. Alors peut-être pas exactement de la même manière, hein, mais on sent que cette société civile est là derrière. On sent que ses envies sont là. Maintenant, comment les structurer ? Comment ça ? J'ai pas de réponse à ça. Mais moi, j'ai pas mal d'espoir. J'ai l'impression que ce que je décris est enfin et complètement en fin de parcours. J'ai donc quand vous même êtes complètement synchrone avec Michel Sanson et Jean-Louis Comolli et leur dernier film, Marseille entre deux tours. Vous savez, moi, je suis un disciple de Sanson, Comolli. Ouais, Béraldi, vous le citez dans votre livre, effectivement. Ben, je le cite. Michel, je le connais bien, il me connaît bien. Je suis dans la continuité pure de ces gens-là. C'est le réseau des journalistes marseillais. Non, même pas. C'est le réseau des marseillologues. Marginaux de Marseille. Merci beaucoup. Voilà, c'est plutôt ça. Merci beaucoup, Philippe Pujol. C'est édité aux Arènes, votre enquête. 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille, la zone la plus pauvre d'Europe, et ça a pour titre La Fabrique du Monstre. Le film de Jean-Louis Comolli et de Michel Sanson sort aujourd'hui au cinéma, Marseille entre deux tours. Je vous laisse faire le générique de fin. C'était Un autre jour est possible, une émission quotidienne de Tufik Hakem, qu'on peut réécouter ou podcaster en se rendant à la page de l'émission disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterr, avec ce matin la technique, Claude Niort et Pascal Potvin. Et demain, je traverse la mer, on quitte Marseille pour Bastia, où s'ouvrira le festival de la bande dessinée. Je serai avec Dominique Mattei, directrice du festival, et avec l'auteur américain Greg Thompson, qui sort Space Bullet aux éditions Casterman, et qui va surtout exposer ses dessins à Bastia. Bonne matinée sur France Culture, à demain.